Un jour, il était en consultation avec d'autres médecins, un, entre autres, qu'on avait fait venir d'Annecy et qui était le médecin ordinaire du malade. Ce jeune homme, encore mal appris pour un médecin, osa n'être pas de l'avis de monsieur le proto. Celui-ci, pour toute réponse, lui demanda, quand il s'en retournait, par où il passait et quelle voiture il prenait. L'autre, après l'avoir satisfait, lui demande à son tour s'il a quelque chose pour son service. Rien, rien, dit Grossi. Sinon que je veux m'aller mettre à une fenêtre sur votre passage pour avoir le plaisir de voir passer un âne à cheval. Il était aussi avare que riche et dur. Un de ses amis lui voulut un jour emprunter de l'argent avec de bonnes sûretés. Mon ami, lui dit-il, en lui serrant le bras et grinçant les dents, quand Saint-Pierre descendrait du ciel pour m'emprunter 10 pistoles et qu'il me donnerait la Trinité pour caution, je ne la lui prêterai pas. Un jour, invité à dîner chez monsieur le comte Picon, gouverneur de Savoie, et très dévot, il arrive avant l'heure, et son Excellence, alors occupée à dire le rosaire, lui en propose l'amusement. Ne sachant trop que répondre, il fait une grimace affreuse et se met à genoux. Mais à peine avait-il récité 2 aves que, n'y pouvant plus tenir, il s'élève brusquement, prend sa canne et s'en va sans mot dire. Le comte Picon court après et lui crie: Monsieur Grossi! Monsieur Grossi! Restez donc! Vous avez là-bas, à la broche, une excellente Bartavelle! Monsieur le comte, lui répond l'autre en se retournant, vous me donneriez un ange rôti que je ne resterai pas. Voilà quel était, monsieur le proto-médecin Grossi, que maman entreprit et vint à bout d'apprivoiser. Quoique extrêmement occupé, il s'accoutuma à venir très souvent chez elle, prit année en amitié, marqua faire cas de ses connaissances, en parlait avec estime, et, ce qu'on n'aurait pas attendu d'un pareil ours, affectait de le traiter avec considération pour effacer les impressions du passé. Car, quoiqu'Année ne fût plus sur le pied d'un domestique, on savait qu'il l'avait été, et il n'en fallait pas moins que l'exemple et l'autorité de monsieur le proto-médecin pour donner à son égard le ton qu'on n'aurait pas pris de tout autre. Claude Année, avec un habit noir, une perruque bien peignée, un maintien grave et décent, une conduite sage et circonspecte, des connaissances assez étendues en matière médicale et en botanique, et la faveur du chef de la faculté, pouvait raisonnablement espérer de remplir, avec applaudissement, la place de démonstrateur royal des plantes, si l'établissement projeté avait lieu. Et réellement, Grossi en avait goûté le plan, l'avait adopté, et n'attendait, pour le proposer à la cour, que le moment où la paix permettrait de songer aux choses utiles et laisserait disposer de quelque argent pour y pourvoir.